Et si je suis fou, c'est que je me sens bien avec ma tête de con que je vois chaque matin. Avec ce corps de rien, cette vie de poème, plusieurs vies de chien et des milliers de poèmes. Et si je suis fou, c'est que tout va bien, c'est que tout roule dans ce chemin qui est le mien. Soul, parfois faut bien que je me défoule. Cool, monsieur, bah ouais, vu que tout s'écroule, vu que tout s'écroule. Dès que je suis au lit, je pense à rien de joli. Je veux pas être mal poli, mais j'aime cette putain de folie, putain de folie. Dès que je suis au lit, je pense à rien de joli. Je veux pas être mal poli, mais j'aime cette putain de folie, putain de folie. Même si je suis fou, y'a pas de problème. Je dis que des conneries, je ris tout et c'est ce que j'aime. J'ai pas trop de limites, même quand ça touche les miens. Du coup, j'imite les humains juste pour faire bien. Et dès que je suis fou, c'est que je me sens mieux. Avoir les pieds sur terre, ça me rend malheureux. Je ne sais pas beaucoup être sérieux. Et quand je le parais, dans ma tête, la folie s'est tout accaparée. Dès que je suis au lit, je pense à rien de joli. Je veux pas être mal poli, mais j'aime cette putain de folie, putain de folie. Dès que je suis au lit, je pense à rien de joli. Je veux pas être mal poli, mais j'aime cette putain de folie, putain de folie. Dès que je suis au lit, je pense à rien de joli. Je veux pas être mal poli, mais j'aime cette putain de folie, putain de folie. Ouais. Dès que je suis au lit, je pense à rien de joli. Je veux pas être mal poli, mais j'aime cette putain de folie, putain de folie.